Est-ce que ce sont des dommages collatéraux, pour reprendre le titre du livre du journaliste Seymour Hersh? En tout cas, il n'est pas inintéressant d'observer que deux affaires sulfureuses ont éclaté à peu près en même temps chez les deux principaux acteurs de la coalition anti-Saddam Hussein, c'est-à-dire les États-Unis et la Grande-Bretagne. Deux affaires qui ont eu pour point de départ ce qu'il faut bien appeler les mensonges proférés tant par George W. Bush que par Tony Blair au sujet des armes de destruction massive irakiennes, les fameuses ADM. Deux affaires aussi qui ont donné lieu à d'obscures manœuvres de coulisses et même à des coups bas où l'on a vu la main d'officines secrètes. Dans le premier cas, il s'est agi de mettre en cause l'un des principaux arguments développés par les alliés dans leur acte d'accusation contre le dictateur irakien, la volonté de Saddam Hussein de se doter de l'arme nucléaire. Pour preuve, ses tentatives d'achat d'uranium en Afrique. Mais un ancien ambassadeur états-unien va ruiner cette affirmation. Il sera plus tard victime d'une véritable machination. Deuxième cas, celui du docteur Kelly, un scientifique britannique, spécialiste en désarmement, qui, ulcéré par les mensonges contenus dans un mémoire du gouvernement britannique, se confie à deux journalistes. Confondu et accusé de trahison, Kelly finira par se suicider, si l'on en croit la version officielle, car en Grande-Bretagne, des doutes subsistent. Monsieur X, après avoir dissipé la semaine passée les mystères des ADM introuvables, décortique ces deux dossiers, donne son interprétation et met en lumière le rôle qu'ont joué ceux que l'on appelle les spin doctors, conseillers en communication, champions du marketing, ce sont aussi des gourous et même des mauvais génies. Ben, intéressons-nous d'abord à l'affaire du docteur Kelly. Et puis commençons par la fin. La fin, c'est son suicide. Hein? Suicide, ouais. Ah, vous avez des doutes, là? Bon, écoutez, je ne suis pas médecin, mais enfin, il y a quand même matière à s'interroger. Toutefois, voyons la version officielle telle qu'elle a été retenue par la commission d'enquête présidée par Lord Hutton. Le 17 juillet 2003, Kelly, qui habite la campagne, sort de chez lui vers 15h. Il marche longtemps, le temps de parcourir 8 kilomètres et d'accéder au sommet d'une colline. Là, il s'assoit contre le tronc d'un arbre, avale 30 comprimés d'antalgiques, sort un canif de sa poche et se tranche une artère du poignet. Les antalgiques, c'est pour ne pas souffrir, j'imagine. Enfin, c'est l'explication qu'on donnera, en effet. Le lendemain matin, un chien le découvre. Kelly est mort. Quand la police, alertée par la propriétaire du chien, arrive sur les lieux, deux secouristes sont appelés. Quoi peuvent-ils servir, puisque Kelly est mort? Oui, évidemment. Et c'est plutôt un médecin qui aurait dû venir constater le décès. Sur place, il y a beaucoup de policiers, tant en uniforme qu'en civil. Quoi qu'il en soit, après avoir fait quelques examens très simples, pour vraiment s'assurer de la mort de Kelly, ces deux secouristes observent de curieux détails. Ah oui, quoi? Ben, ils constatent d'abord qu'il y a très peu de sang. Or, quand une artère est coupée, le sang gicle immédiatement. Et il n'y a même pas de tache sur la main droite de Kelly. La main qui a tranché, vous voulez dire? Oui, puisque c'est une artère du poignet gauche qui a été coupée. Ensuite, il apparaît à ces deux secouristes que la blessure est très petite et qu'elle n'est pas située sur l'artère principale. Bah, ça explique peut-être pourquoi le sang n'a pas jailli avec force. Bah, je vous le répète, je ne suis pas médecin. Les deux secouristes non plus. Hein. Certes, mais ce sont des gens d'expérience. Toutefois, je ne veux pas m'aventurer sur un terrain que je ne connais pas. Mais je remarque simplement que de nombreux experts médicaux exprimeront leurs doutes. D'après eux, cette petite artère noyée dans le muscle aurait dû se contracter très vite et le sang se serait finalement coagulé. Oui, en stoppant l'hémorragie. Oui, en tout cas, c'est une simple question de bon sens. Si Kelly voulait vraiment se suicider, pourquoi n'aurait-il pas choisi de se couper l'artère la plus visible et la plus grosse, celle où on pose un doigt pour prendre le pouls? Mais enfin, restons-en là. Je voulais simplement vous faire comprendre qu'il y a de bonnes raisons de mettre en cause l'hypothèse du suicide. Mais s'il n'y a pas eu suicide, il y a eu meurtre. Ah ben ça, je n'en sais rien. Je veux dire que je ne possède aucun élément de preuve pouvant attester que Kelly a été assassiné. Toutefois, alors, on peut penser que Si c'était agi d'un assassinat maquillé en suicide, des spécialistes seraient intervenus, et en général, ces types ne laissent guère de traces. Hein. Oui, je suis d'accord avec vous. Alors, maintenant, l'affaire elle-même. Disons tout de suite que ce scientifique passionné par son métier, et qui a fait partie des équipes d'inspecteurs de l'ONU, envoyés en Irak, était un homme convaincu de la dangerosité des programmes d'armement de Saddam Hussein. C'est même lui qui, en 1996, a découvert le programme bactériologique irakien, ce qui lui a d'ailleurs valu une médaille. Il ne peut donc être soupçonné de sympathie pour le dictateur irakien. Ah bah bien au contraire. Et c'est tout naturellement que l'expert David Kelly est associé à la rédaction d'un dossier commandé par le Premier ministre Tony Blair et supervisé par les services secrets britanniques. Un dossier sur l'arsenal interdit de Saddam Hussein. Oui, mais un arsenal, en tout cas, c'est ce que vous avez dit la semaine passée, n'existait plus. Ces armes avaient en effet été détruites, soit par les Irakiens eux-mêmes, soit par les inspecteurs de l'ONU. Mais en 2002, il était encore possible de nourrir des soupçons, d'autant que Saddam Hussein avait décidé en 1998 d'expulser ses inspecteurs. Ce dossier est rendu public par Tony Blair en septembre. C'est le dossier auquel a participé Kelly. Oui, c'est ça, absolument. Il est donc rendu public par Tony Blair en septembre au cours d'une allocution devant les communes. Mais étonnement de Kelly et de quelques autres experts, ce rapport ne ressemble pas tout à fait à celui qu'ils ont élaboré. C'est-à-dire? Je vous donne un premier exemple, mais il va avoir une grande importance dans la suite. D'après ce rapport, l'ordre de tir de certains missiles porteurs d'ogives et contenant des ADM... Des armes de destruction massive. Oui, pourrait être exécuté en moins de 45 minutes. Pour un spécialiste comme Kelly, cette affirmation est tout simplement risible. Pourquoi? Parce que ces 45 minutes représentent à peu près le temps nécessaire au remplissage des réservoirs d'un missile. Des missiles, d'ailleurs, de très faible portée, qui ne seraient d'ailleurs utilisés que sur le champ de bataille. Et ne représenterait donc aucun danger pour un pays extérieur, a fortiori pour un État comme la Grande-Bretagne, qui se trouve à des milliers de kilomètres de l'Irak. Mais, manifestement, et cela apparaît clairement à Kelly, ce délai de 45 minutes a été mentionné à dessein. Ouais, pour exagérer la menace irakienne. Évidemment. Mmh. Autre point litigieux. Les rédacteurs du rapport ont estimé que, dans le pire des cas, l'Irak ne pourrait pas construire une arme nucléaire avant 5 ans. Or, dans le rapport présenté par Tony Blair, ce délai est ramené à 1 an ou 2. Ah oui. Enfin, c'est tout aussi important, les experts ont estimé que Saddam Hussein n'utiliserait ses éventuels ADM que si son régime était menacé. Mais cette dernière partie de phrase a été supprimée. Ah oui, alors ça devient donc Saddam est prêt à utiliser ses ADM, quoi. Exactement. Mmh. Et vous conviendrez que ça change tout. Oui. Alors, comment réagit le docteur Kelly lorsqu'il prend connaissance de ce rapport faussé et truqué? Il doit être incontestablement choqué. Mais soumis au devoir de réserve en tant que fonctionnaire du ministère de la Défense, il ne bouge pas. Malgré son indignation. En effet. Ouais. Et quelques mois plus tard, en février 2003, il retrouve dans le discours prononcé par Colin Powell devant le Conseil de sécurité quelques-unes des falsifications contenues dans le rapport rendu public par Tony Blair. Un rapport qui, entre parenthèses, reprenait aussi un mémoire établi par un étudiant 12 ans plus tôt. C'est dire la fiabilité de ce texte. Oui, enfin, passons. Kelly ne bronche pas, même quand en mars 2003, la coalition passe aux actes et attaque l'Irak. Il est même partisan de la guerre. Non pas parce qu'il croit que Saddam Hussein représente une menace immédiate, mais parce qu'il pense que si on laisse faire le dictateur irakien, on risque de le voir se doter un jour ou l'autre d'armes dangereuses. Mmh. Donc, à ce moment-là, il épouse l'attitude belliciste de son gouvernement. Parfaitement. Toutefois, il est quand même ébranlé quand il apprend, dans les semaines qui suivent, que, malgré leurs efforts, les experts militaires alliés n'ont encore trouvé aucune trace d'ADM en Irak. Et lui, qui a déjà effectué pour l'ONU une bonne trentaine de missions d'inspection, brûle d'envie d'aller sur place. Ouais, pour se rendre compte par lui-même, quoi. Et rencontrer des scientifiques irakiens avec lesquels il a noué des rapports de confiance. Mais il ne pourra pas obtenir l'autorisation de repartir avant le mois de juin. Auparavant, il fait une rencontre qui va décider de son destin. Celle d'un journaliste de la BBC, Andrew Gilligan. Mm-hmm. Un mot peut-être sur ce journaliste-là? Oui, il a la trentaine et se spécialise des questions de défense, a la réputation d'être obstiné. Ah oui, un type qui ne lâche pas son œuf. Il a déjà à son actif plusieurs scoops, quelques mois plus tôt, juste avant la guerre. Il a par exemple publié un rapport des services secrets britanniques qui niait l'existence de toute relation entre Saddam Hussein et Al-Qaïda. Et ça n'a pas dû faire plaisir au gouvernement, puisque c'était l'une des raisons avancées par Bush et Blair pour envahir l'Irak. Oui, Gilligan est donc la bête noire du gouvernement. Comment a-t-il fait pour approcher Kelly Exactement, je ne sais pas. Mais les deux hommes se connaissaient peut-être. Lors de ses missions d'inspection en Irak, Kelly était souvent chargé des contacts avec la presse. Et c'est important ça, parce qu'il n'a peut-être pas été piégé par un journaliste un peu trop malin. Non, et puis Kelly n'était pas un naïf, même s'il n'avait aucune véritable expérience du monde politique et de ses magouilles. Et ça va lui coûter très cher. Qui était David Kelly, 59 ans, en 2003? J'ai trouvé dans Le Monde le portrait suivant. Avec sa barbe blanche, son début de calvitie et ses lunettes d'intellectuel, David Kelly ressemblait à l'image stéréotypée du scientifique réservé, timide. Cet ancien d'Oxford, diplômé en sciences agricoles, était devenu un microbiologiste renommé après son passage au centre de recherche sur les armes chimiques de Porton Down. Entre 1991 et 1994, il dirige les visites d'inspection du programme biologique russe. De 1994 à 1999, il est conseiller en armes biologiques auprès de l'ONU, puis consultant de plusieurs ministères, dont le Foreign Office et le ministère de la Défense. Il se rendra 37 fois en Irak. Homme rigoureux et intègre, il était craint de Saddam Hussein, qui avait cherché en vain à obtenir son renvoi de l'ONU. Un aspect important de son travail consistait depuis plus de 10 ans à briefer les journalistes. Gilligan et Kelly se rencontrent donc très discrètement, car le scientifique n'a pas préalablement demandé l'autorisation au ministère de la Défense. Autorisation qui lui aurait été certainement refusée, étant donné ce que vous avez dit de la réputation de Gilligan. Hein. C'est probable, en effet. Et Kelly n'a parlé que sous le sceau du secret. Ouais. Donc, en tout cas, secret ou pas, Kelly a déjà franchi les limites de la légalité. Hein. Parfaitement vrai, oui. Ce qui intéresse Gilligan, c'est ce fameux rapport dévoilé par Tony Blair avant la guerre. Parce qu'il soupçonne déjà le Premier ministre d'avoir menti? Bon, en tout cas, il veut savoir comment ce rapport mensonger a été rédigé. Et l'honnête docteur Kelly, troublé par le fait qu'on n'ait pas encore trouvé d'ADM... ADM, arme de destruction massive. Oui, en Irak, raconte sous le sceau du secret ce qu'il sait. Le rapport a été tronqué, sinon enjolivé, afin d'exagérer la menace que représenterait Saddam Hussein. Ce que le journaliste traduira dans un retentissant papier à la radio de la BBC par cette phrase. Le rapport a été transformé pour le rendre plus sexy. Ouais, sexy, c'est sans doute pas le langage utilisé par Kelly. Non, certainement pas, mais ça exprime bien ce qu'il a voulu dire. Pour lui, ce rapport n'avait rien de scientifique, c'était un texte de propagande. Ouais. Mais Kelly, désigne-t-il le responsable de cette falsification? Pour lui, il n'y a guère de doute. C'est Alastair Campbell, le conseiller en communication de Blair. Son spin doctor, comme on dit dans les pays anglo-saxons. Ce qu'on pourrait traduire par bonimenteur. Oui, ça, Campbell est l'homme le plus proche de Blair et son influence est considérable. Mais je vais vite. Hein. Le papier de Gilligan, c'est un vrai pavé dans la mare. La presse le reprend aussitôt et les journaux accusent Tony Blair de manipulation et de mensonge. Le Premier ministre doit affronter une vraie crise politique. Dans son papier, Gilligan, bien sûr, n'a pas parlé de Kelly. Hein. Bien sûr que non. Il a simplement évoqué une source de premier plan. Ouais. Et comment réagit Blair, là? En public et devant les parlementaires, il dément. Mais dans le secret de son cabinet, il exige que l'on découvre l'auteur de la fuite, car lui et son conseiller Campbell sont bien placés pour savoir que Gilligan n'a rien inventé. Kelly, à ce moment-là, craint-il d'être identifié? Non. Non, il est même assez flatté d'avoir provoqué un tel scandale. Et c'est assez joyeusement qu'il part en Irak pour une nouvelle mission d'inspection. C'est lui, par exemple, qui va mettre à bas cette fiction des laboratoires bactériologiques mobiles. Oui, encore, on en a parlé, mais encore un mensonge de la coalition. Là. Oui, oui, puis il se rend à l'ONU dans le cadre de sa mission. Tandis qu'en Grande-Bretagne, le gouvernement essaie d'allumer des contre-feux. Campbell essaie, par exemple, de s'en prendre à la BBC, accusé d'avoir propagé des allégations outrageantes pour le pouvoir. Mais la vénérable maison tient bon. Ouais, alors, échec pour Campbell, non? Mais Campbell qui enrage, d'autant que la taupe n'a toujours pas été identifiée. Mais, heureusement pour le conseiller de Blair, Kelly, de retour chez lui, va commettre une énorme bévue. Et l'affaire se retournera contre lui. Mais la bévue expliquée? Gilligan a été auditionné par les parlementaires. Il a bien entendu refusé de dévoiler le nom de sa source, mais il a utilisé une expression qu'une amie de Kelly a reconnue. Et pourquoi ? Parce qu'elle l'a déjà entendu dans la bouche de Kelly. Et immédiatement, elle prévient son ami. Ça te ressemble. Et d'autres que moi peuvent aussi comprendre. Oui. Réaction de Kelly elle... Ah, il panique. Et de façon assez stupide, de mon point de vue, il envoie une lettre à son supérieur au ministère de la Défense. Pourquoi une lettre ? Qu'écrit-il alors ? D'abord, il avoue qu'il a rencontré Gilligan, sans avoir pris la précaution de demander l'autorisation. Mais tout de suite après, il affirme que le journaliste a déformé ses propos. Il ment donc ? Absolument. Et à partir de ce moment, il est fichu. Moi, ce qui m'étonne, c'est sa réaction, là, sa panique. Que craint-il d'être viré ? C'est probable. Après tout, il est au seuil de la retraite, non ? Alors, moi aussi, j'ai du mal à comprendre. Oui, parce que, bon, après tout, si on voit bien les choses, en parlant à Gilligan, là, il n'a fait que révéler la vérité sur les mensonges du gouvernement. Donc, il a fait œuvre utile. Ah oui ? Mais en mentant à son tour, il s'est piégé. Et en face... Le diabolique Campbell va se débrouiller pour transformer l'affaire du rapport enjolivée en affaire Kelly. Enfin, je vous passe sur les détails, mais enfin, vous savez parfaitement ce qui va se passer. Les autorités se débrouillent pour lâcher le nom de Kelly à la presse. Kelly, complètement désemparé, qui est lui aussi auditionné par les parlementaires et qui s'enferme dans ses mensonges. Kelly, qui fuit la meute des journalistes et qui, à bout de force, choisit la mort. Ouais, mais c'est ce suicide auquel vous ne croyez pas trop, hein ? Non, non, d'une part, parce que le mobile ne me semble pas suffisant. Et ensuite, parce que Kelly, qui n'avait pas choisi de mentir, aurait pu révéler ce qu'il savait, réellement. Ouais, et des révélations forcément gênantes pour le gouvernement. Et c'est ce que j'ai la faiblesse de penser. Alors venons-en maintenant à la deuxième affaire, qui, elle, se situe aux États-Unis. Une affaire encore plus tordue et qui, surtout, a échappé à ses auteurs. Ses auteurs qui hein? Bon, un petit peu de patience, Monsieur Penaud. Ce que je peux dire, simplement, pour commencer, c'est que ce dossier n'est toujours pas refermé. C'est, par exemple, fin septembre que la journaliste Judith Miller a été libérée. Oui, c'est cette journaliste emprisonnée parce qu'elle refusait de donner ses sources, c'est ça? C'est ça, en effet. Ouais. Et c'est un rapport direct avec notre affaire. Alors, voyons ça d'un petit peu plus près. À l'automne 2001, peu de temps après le 11 septembre, la CIA reçoit une information des services italiens, le SISMI. Les Irakiens auraient essayé d'acheter de l'uranium au Niger. Le Niger qui est, comme vous le savez peut-être, un des principaux producteurs de ce minerai. Mmh. Et cette information arrive à un moment où les faucons états-uniens accusent déjà l'Irak d'avoir parti lié avec Al-Qaïda. Oui, oui, et bientôt, grâce à une véritable campagne de désinformation... 3 Américains sur 4 seront persuadés que Saddam Hussein a commandité les attentats du 11 septembre. Enfin, passons. Et revenons à notre affaire. Les services italiens fondaient leur conviction sur le fait que l'ambassadeur irakien au Vatican s'était rendu au Niger en 1999. Pour le SISMI, il n'y avait pas de doute. Ce voyage n'avait qu'un but, l'achat d'uranium. C'est une déduction un peu facile, non ? Certainement. Et à la CIA, où on n'a pas manqué de remarquer ce voyage, le tuyau des Italiens ne convainc guère. Il n'empêche que l'information remonte jusqu'à la Maison Blanche, où elle est jugée très intéressante. En fait, tout ce qui peut indiquer que Saddam Hussein continue à vouloir se doter d'armes de destruction massive est accueilli avec faveur. Et malgré le scepticisme des analystes de la CIA, le vice-président Cheney demande à l'agence de tout faire pour étoffer ce dossier. Ah, il veut des résultats. Et la CIA est bien obligée de s'incliner. D'autant que les faucons, malgré l'absence de preuves, ont déjà sauté le pas. Même Colin Powell déclare devant la Chambre des représentants qu'il ne fait aucun doute que les Irakiens n'ont pas renoncé à leur programme nucléaire. Et la CIA, de plus en plus harcelée par le pouvoir... finit par décider d'envoyer quelqu'un en Niger. Oui, alors ça sera la fameuse mission Wilson. Oui, Joseph Wilson, un ambassadeur à la retraite qui n'a pas été choisi au hasard. Non seulement il connaît bien l'Afrique, mais juste avant la première guerre du Golfe, il était le numéro 2 de l'ambassade états-unienne à Bagdad. Je crois même que c'est le dernier diplomate américain à avoir rencontré Saddam Hussein. Avant la guerre. Et alors, que demande-t-on à Wilson, là ? De réunir des preuves sur cet achat d'uranium nigérien. Et avant son départ, en février 2002, des gens de la CIA lui affirment qu'un protocole d'accord a été signé entre l'Irak et le Niger à ce sujet. Alors, que selon vous, la CIA était sceptique. Et que voulez-vous ? Sous la pression des faucons, la direction de l'agence avait vraiment envie de faire plaisir à la Maison-Blanche. Ouais, plaisir, ouais. Et cette mission, alors ? Au Niger, Wilson voit beaucoup de monde. des politiques, des diplomates, des hommes chargés de la production et de l'exportation de l'uranium. Et très vite, ils ont conclu que le Niger n'a pas livré d'uranium à l'Irak. Mais comment peut-il être aussi catégorique? Parce que le Niger a prévendu sa production de minerais à la France, essentiellement, mais aussi au Japon. Donc même si l'Irak voulait acheter de l'uranium, il ne pourrait pas être servi. Mm-hmm. Et quand Wilson alors revient aux États-Unis? Il fait son rapport, mais il n'entend plus parler de rien. Mm. Quand même, c'est un rapport qui doit décevoir la Maison-Blanche. Ça, c'est certain. Enfin, disons-le tout de suite, ça n'entame en rien la volonté des dirigeants états-uniens d'affirmer que l'Irak cherche à se doter de l'arme nucléaire. Et bientôt, ils vont recevoir un rapport providentiel. De quoi s'agit-il? Au départ, il y a une journaliste italienne très connue, Elisabeth Bourba. Elle travaille alors au magazine Panorama. Quand au début de l'automne, elle est contactée par l'un de ses informateurs. Un homme fiable, car il lui a autrefois fourni la matière d'un scoop. En outre, cet homme d'affaires est très lié au service secret italien. Ouais, le Suisse-Mi, là. Mmh, ouais. Et là, que propose-t-il de lui fournir? Il est justement en possession d'un dossier du Suisse-Mi sur les ventes d'uranium nigérien à l'Irak. Ouais, encore, parce que c'est déjà le Suisse-Mi qui a alerté faussement Washington. C'est exact. Mmh. Mais là, il y a des documents, et en particulier des lettres officielles du gouvernement nigérien. Oui, alors du sérieux? Apparemment, oui. Et cet informateur demande 10 000 dollars pour lui livrer le dossier. C'est pas très cher, hein. Enfin, avant de payer, il faut quand même des garanties. Je sais pas moi, une authentification des documents, par exemple. Aussi, après avoir pris connaissance d'un certain nombre de photocopies, la journaliste demande-t-elle à son rédacteur en chef de pouvoir aller au Niger afin de vérifier ces informations. Un réflexe professionnel, oui. Et c'est alors que son rédacteur en chef, un homme très proche de Berlusconi, a une curieuse réaction. Il demande à sa journaliste de lui confier les photocopies qu'elle possède. Elle lui dit, je vais les porter à l'ambassade des États-Unis. Dans son remarquable ouvrage « Dommages collatéraux » paru en France chez De Noël, Seymour Hersh donne des précisions sur la nature des documents confiés à Elisabeth Bourba par son informateur. Les documents qu'il lui confia étaient des photocopies, 22 pages en tout. La plupart étaient en français, certaines lettres étaient rédigées sur papier en tête du gouvernement nigérien ou de l'ambassade du Niger, et deux autres portaient le sceau de l'ambassade d'Irak auprès du Saint-Siège. Il y avait également quelques téléx. Quand la journaliste demanda des gages permettant d'authentifier ces documents, son informateur lui montra, entre autres éléments, la photocopie d'un manuel de code de cryptage de l'ambassade du Niger. Ce dont j'étais certaine, c'est qu'il avait ses entrées, se dit Elisabeth Bourba. Ces documents ne lui étaient pas tombés du ciel. Mais pourquoi confier ces photocopies là à l'ambassade états-unienne? C'est bien ce qui étonne, non? Évidemment. Et le rédacteur en chef dit à sa journaliste, là-bas, ils sauront bien établir si ce sont de vrais documents. Ouais. Journalistiquement, moi, ça me paraît quand même une démarche pas très orthodoxe. Hein. Vous êtes mieux placé que moi pour le dire. Quoi qu'il en soit, alors qu'Elisabeth Bourba s'apprête à partir au Niger, les photocopies quittent Rome et prennent aussitôt le chemin de Washington. D'abord la CIA, puis le Pentagone, et enfin les plus hauts cercles du pouvoir. Alors d'abord, qu'en pense-t-on d'abord à la CIA alors? On est très soupçonneux, et pour tout dire, on arrive assez vite à la conclusion que ce sont des faux assez grossièrement fabriqués. Ah, grossièrement? Oui, un seul exemple. Il y a des questions de quantités de minerais invraisemblables. Des centaines de tonnes, des quantités telles qu'elles n'auraient jamais pu passer inaperçues. Et puis, il y avait aussi sur un document la signature d'un ministre, d'un haut fonctionnaire nigérien qui n'était plus en fonction depuis longtemps. Mmh. Autant de falsifications qui n'auraient pas pu abuser des analystes sérieux. Sérieux et honnêtes. Mais le mal était fait. Le rapport avait atterri sur les bureaux de la Maison Blanche où on l'a tout de suite considéré comme une véritable pépite. Et à la CIA, personne n'osa démentir. Ouais, pour ne pas déplaire. Et aussi par lassitude. Les dirigeants de la CIA en avaient assez de ne pas être écoutés. D'être constamment doublé par cet autre organisme de renseignement directement piloté par les faucons, c'est l'OSP. Hein, c'est ça, oui. C'est en tout cas ce que vous m'avez dit la semaine passée. Tout à fait. Mmh. Et en janvier 2003, au grand étonnement de plusieurs observateurs étrangers ou américains, dans son rituel discours sur l'état de l'Union, George W. Bush n'a pas hésité à affirmer que l'Irak avait récemment cherché à se procurer d'énormes quantités d'uranium en Afrique. Il accréditait donc le rapport qu'Elisabeth avait eu entre les mains. La Elisabeth Burbach qui s'était rendue au Niger et qui avait pu constater par elle-même que ce rapport était un tissu d'affabulation. Aussitôt après avoir entendu le président états-unien, elle a donc proposé à son patron d'écrire un papier sensationnel sur le sujet. Papier que le rédacteur en chef proche de Berlusconi, je vous le rappelle, a immédiatement refusé. À cause des liens entre les gouvernements américains et italiens. Bien entendu. Ouais. Et la journaliste s'est inclinée ? Oui, oui, parce qu'elle a alors pensé que le ton tellement péremptoire de Bush ne pouvait avoir qu'une explication. Les Américains devaient détenir d'autres informations sur le sujet. Ce qui est, on le sait maintenant, totalement faux. En effet. Mmh. Autre personnage éberlué par le discours de Bush Jr., c'est naturellement l'ancien ambassadeur, Joseph Wilson. Oui, parce que le président prenait le contre-pied exact du rapport qu'il avait rédigé après être allé au Niger. Et il était donc bien placé pour savoir que Bush mentait. Ouais. Alors lui, il s'est incliné ou... Le déclenchement de la guerre a suivi d'assez près le discours présidentiel, relayé ensuite par Powell devant le Conseil de sécurité. Donc, Wilson n'a pas bougé. Mais un peu plus tard, en mai, je crois, il a évoqué l'affaire au cours d'une réunion du Parti démocrate. Un journaliste était présent, il a immédiatement compris qu'il tenait là une information de premier plan. Et au début du mois de juillet 2003, alors que la guerre était officiellement terminée en Irak... La guerre, mais pas la violence, hein. Là, nous sommes d'accord. Donc, en juillet, le New York Times publie un éditorial signé par Wilson lui-même et dénonçant les mensonges de Bush à propos de l'uranium nigérien. Pour la Maison-Blanche, passez-moi l'expression, c'est une vraie tuile. Et c'est là que va intervenir Karl Rove, le spin-docteur de George Bush. Mmh. En somme... C'est l'alter ego états-unien d'Alastair Campbell. C'est ça, oui. Un conseiller politique qui dispose d'un pouvoir énorme, comme peut-être jamais un conseiller n'en a eu à la Maison-Blanche. Il sera même considéré comme l'architecte de la seconde victoire de Bush lors des élections présidentielles de novembre 2004. Mm-hmm. À tel point que certains journalistes prétendent qu'il est le cerveau de Bush. Ce qui n'est guère... respectueux pour le président. J'en conviens. Mm-hmm. Alors que va faire Rove, là ? Il va se conduire exactement comme Campbell, c'est-à-dire qu'il passe à l'attaque. Et directement ou indirectement, il fait passer des informations à la presse. Des informations confidentielles sur l'épouse de Wilson, Valérie Plame. Oui, c'est son appartenance à la CIA, c'est ça, non ? Oui, c'est extrêmement grave. Parce que cet agent de la CIA travaille sous couverture et que cette révélation peut non seulement... ruiner sa carrière, mais aussi la mettre en danger. Car cette femme travaille dans un domaine à risque, les armes de destruction massive. Et d'ailleurs, on insinue... Ouais, on insinue toujours ces corbeaux, là. Oui, enfin, on insinue que c'est Valérie Plame qui, en raison de sa situation à la CIA, a fait désigner son mari pour effectuer une mission au Niger. Ah oui, et ce qui, d'une certaine façon, alors discréditerait son rapport. Et Wilson est démocrate. Oui, donc c'est un adversaire politique des Républicains, et donc de la Maison-Blanche, enfin... C'est quand même plutôt une vengeance, non, à propos de Wilson, parce que on n'a rien à reprocher à Valérie Plame. C'est exact. Mais il ne s'agit pas simplement d'une vengeance, mais aussi une sorte d'avertissement adressé à Wilson. Ah oui, je vois, là. Cessez de prétendre que Bush a menti. Ah, elle fait très mal. Car la riposte organisée par la Maison Blanche... La Maison Blanche, Karl Rove, vous voulez dire. Ouais. Bien évidemment. Ouais. Donc cette attaque a été très loin. Aux États-Unis. Divulguer l'identité d'un agent de la CIA, c'est un crime fédéral, et qui peut être sanctionné par plusieurs années de prison. Oui, d'ailleurs, une enquête est toujours en cours. Hein. Et c'est à cette occasion qu'une journaliste, Judith Miller, a été conduite en prison parce qu'elle refusait de révéler ses sources au procureur spécial chargé de l'affaire. Rove, très vraisemblablement, oui. Et aussi un autre homme, le chef de cabinet du vice-président Dick Cheney. Mmh, un autre faucon. Mais... Alors, maintenant, que peut-il arriver, là, au point où on en est ? Pour l'instant, Bush n'a pas lâché son spin-docteur. Mais pourra-t-il longtemps camper sur cette position ? C'est une affaire quand même plus grave que celle des Froden de Bill Clinton, non ? En tout cas, ça a permis aussi de jeter un coup de projecteur désastreux sur certaines pratiques de la Maison-Blanche. De quoi vous voulez parler, là ? D'un étrange personnage, un certain Gannon. Un pseudo-journaliste qui a aussi été impliqué dans la contre-attaque de Karl Rove contre Wilson et son épouse. Un drôle de type qui disposait d'une accréditation de la Maison-Blanche pour les conférences de presse présidentielles et qui était là pour poser les bonnes questions. Je ne peux pas en dire plus car le rôle de ce type est encore obscur. Je peux simplement ajouter que le personnage est aussi l'animateur d'un site internet porno. C'est étrange, ça. Ouais, ouais. Oui, étrange. Ouais. Et si je parviens à en savoir plus, je ne manquerai pas de vous en parler. Enfin, revenons, je vous l'ai promis, à la genèse de ce dossier. C'est-à-dire ce fameux rapport truqué des services secrets italiens. Alors, vous avez une explication, là ? Bon, en fait, je suis persuadé que le fameux rapport des services italiens, composé de documents assez grossièrement falsifiés, a été forgé de toutes pièces par des gens qui voulaient se venger. Mais qui et pourquoi les Italiens ? Non. Non, les Italiens ont été simplement des passeurs. Les vrais responsables étaient des anciens des services anglo-saxons, britanniques ou américains. Des hommes qui étaient exaspérés par le bellicisme de leur gouvernement et qui ont cherché à piéger et même à ridiculiser les va-t-en-guerre. Mais ce qu'ils ne pouvaient pas prévoir, c'est qu'on accorderait foi à leurs faux documents et qu'on ne se donnerait même pas la peine d'en faire une analyse critique. Ouais, en somme, alors, la supercherie a trop bien fonctionné. C'est ce que je crois. Tout ce qui pouvait justifier la future guerre en Irak était bienvenu. Tant Bush et son allié Blair avaient envie d'en découdre avec Saddam Hussein. Même les faux documents. Telle est, à mon avis, la vérité. Rove, l'homme que George Bush appelle son « boy genius », c'est-à-dire son petit génie, est ainsi présenté dans un article de The New York Review of Books. La carrière de Rove en tant qu'acteur politique a toujours été marquée par des coups bas que lui-même préfère appeler des ruses. Par exemple, il a appris qu'il pouvait être très rentable d'organiser une campagne de rumeurs en utilisant la radio, le téléphone et les sondages orientés qui, par des questions, font courir un bruit. C'est ainsi qu'on a dit d'Ann Richards, qui gouvernait le Texas avant d'être battue par Bush en 1994, qu'elle était homosexuelle, et du sénateur John McCain, qu'il souffrait d'un déséquilibre mental et était père d'un enfant noir. En réalité, les McCain ont adopté un orphelin originaire du Bangladesh. Les clients de Rove, y compris George W. Bush, ont toujours réussi à se tenir à l'écart de ces campagnes de dénigrement, affirmant qu'ils n'avaient rien à voir avec elles. Les candidats pris en main par Rove ont toujours pu dire, sans mentir, qu'ils menaient une campagne propre et fondée sur les enjeux politiques, parce que Rove exécutait la sale besogne sans jamais impliquer ses clients. Il passait des coups de fil aux journalistes, fournissait des documents, produisait des témoignages accablants émanant de tiers. Cette tactique, qui constituait déjà un outil des campagnes électorales modernes, a été portée par Rove à un nouveau stade de raffinement. En tout cas, une affaire à suivre, car les jours de Rove à la Maison-Blanche sont peut-être comptés.